Je crois qu'à la base, je voulais faire le bien autour de moi. Cela n'a pas été possible pour deux raisons. Parce qu'on m'en a empêché, et aussi un peu parce que j'ai abdiqué.